jour. Que veux-tu que je te dise ? C'est l'éternel féminin. Une fille est une fille et l'on n'y changera rien. Je suis contre le mensonge et le genre sophistiqué. Et tes fossiles. J'adore voir sur la campagne doucement la pluie tomber. Dans une Rolls. Que veux-tu que je te dise ? C'est l'éternel féminin. Une fille est une fille et l'on n'y changera rien. J'ai tellement l'âme d'une mère que j'aimerais des quintuplés. Avec trois nurses. Aux œuvres de bienfaisance, je suis souvent remarqué. Avec ton vison. Que veux-tu que je te dise ? C'est pas vrai. Et je lui serai